moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je pensais tout savoir des dieux et des religions romaines, avec notamment le fameux culte impérial, élément capital de la vie politique, mais sans réel rapport avec la religion. Puis venaient un peu plus tard quelques cultes orientaux, ceux d'Isis, Cybèle et notamment Mithra, culte à mystère, dont l'archéologie vient de découvrir de beaux exemples en France. C'était somme toute sans avoir compris que le monde romain possédait une multitude de cultes privés, dont les sources textuelles, celles de penseurs comme Cicéron, n'évoquent jamais l'existence, sans avoir compris aussi qu'au cœur des religions romaines, officiaient des magiciens, nous les évoquerons ce soir. Loin de nos propres croyances, et pour comprendre ces rites et pratiques cultuelles. John Child, bonsoir. Bonsoir. Professeur honoraire au Collège de France, vous avez été détenteur de la chaire Religion, Institution et Société de la Rome antique. Vous voici désormais membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, au fauteuil de Jean-François Jarige, dont je salue la mémoire. Archéologue, vous avez fouillé à Ravenne, Rome et au Maghreb, et beaucoup publié. Parmi vos ouvrages, citons « Les dieux, l'État et l'individu »,« Rites et religions à Rome »,« La religion des Romains », publié en 2019, « Les Romains et leur religion, la piété au quotidien », qui vient tout juste de paraître aux éditions du CERF. John Child, curieusement, votre dernier livre évoque les religions romaines et non pas la religion romaine. Pourriez-vous vous en expliquer ? Les Romains auraient-ils possédé une ou plusieurs religions ? Absolument, plusieurs religions. Parce que, bien sûr, nous pouvons dire, voilà, la religion à Rome, c'est ceci, cela. Mais ça, c'est nous qui parlons, pas les Romains. Les Romains eux-mêmes ne connaissaient que des religions de communautés séparées. Et chaque groupe avait sa religion qui concernait cette communauté. Il fallait être membre de cette communauté et donc ses rites, ses autorités et règles. Et à côté, même si c'est homologue, c'était une autre communauté. Il y a l'État, il y a les familles, il y a des associations et tout ce qu'on veut. Et chaque cité de l'Empire, même romaine, a sa religion dans le même système. Sa religion d'État, la petite cité-État, Narbonne, par exemple, et les familles aussi, leur religion. C'est une façon de parler qui met une fin à une pratique qui est surtout dominée par la pensée chrétienne, où il y a une religion et tout le reste, c'est des formes appauvries ou erronées de la religion. C'est un terme qui existe depuis longtemps, parce que quand j'ai été nommé aux hautes études en 83, la direction d'études s'appelait déjà « Religions » au pluriel de Rome. Et c'est vraiment la cinquième section des hautes études qui, depuis Marcel Mauss, vous le savez, a développé ce qui est devenu l'anthropologie religieuse, eh bien, qui est à l'origine de cela. Et mes prédécesseurs voyaient déjà ça comme des religions et pas comme la religion des Romains. Alors peut-être deux mots sur le culte impérial. Je disais que c'était un élément capital de la vie politique, mais sans réel rapport avec la religion. Qu'en est-il exactement ? C'est complètement faux. C'est bien sûr politique, mais la religion romaine est politique. Le culte de l'État traduit les relations de l'État romain, de la communauté du peuple romain avec ses dieux. Et le culte impérial est une autre forme de cette religion. La seule différence est que du vivant de l'empereur, bien sûr, il est considéré comme un mortel, il n'y a aucun culte direct, sauf un culte à son génie que chaque père de famille reçoit chez lui, donc il n'y a rien de scandaleux. Peut-être l'association à certains rites publics, oui, ça pouvait rendre un peu jaloux ses collègues sénateurs, mais sinon, il n'y a rien de spécial. Et puis, quelques empereurs ont été divinisés. Ils sont pas dieux, mais divinisés. Ils sont à un niveau inférieur aux dieux de toujours, parce qu'ils ont eu une partie humaine, si vous voulez. Mais c'est un rite quotidien de la rite de la religion d'État qui est célébré sans aucune réticence à l'Ouest et à une forme différente dans l'Orient, où ce sont des honneurs égaux aux dieux qui sont accordés à un vivant, sans en faire un dieu. Et quand il meurt, ben c'est fini, il n'a plus rien. C'est une autre façon de voir, et les Romains de l'Ouest ont eu quelques problèmes à se faire comprendre eux-mêmes, parce que les autres disaient, mais pourquoi il faut honorer un divinisé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et eux, à Rome, ils ne voulaient surtout pas qu'on accorde des honneurs divins à un mortel, qui n'était pas encore mort. John Child, à Rome, il n'existait pas de constitution religieuse, de code de droit sacré, encore moins de catéchisme. Seules les coutumes auraient existé. Nous sommes très loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui, parce que nous vivons dans une ambiance surtout chrétienne et très souvent même protestante. C'est le protestantisme qui a beaucoup changé le christianisme occidental dans l'orthodoxie. C'est pas du tout comme ça. Il y a des rites, des rites, des rites. Et chez nous, l'Église catholique a quand même, c'est un bon héritier des Romains, parce que même si au départ elle rejette ça, je parle de Paul l'apôtre, la fameuse lettre aux Corinthiens, qui est reprise par Luther 1600 ans plus tard, et qui dit la même chose. Tout ça, les rites, les institutions, ça ne compte pas, mais l'Église catholique de Rome a très rapidement repris les rites, et il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas que cela, d'autant plus que les rites sont peut-être devenus, sous l'influence du protestantisme, moins important dans l'Église catholique qu'il ne l'était avant. En revanche, on peut voir des religions de ce type partout dans le monde. Il y a 9/10 des religions du monde qui sont des religions ritualistes, de le bouddhisme, etc. Il y a une célèbre histoire de deux historiens, deux anthropologues qui sont allés étudier un sacrifice dans un sanctuaire du Bouddha des Jains. Et quand ils sont arrivés, ils avaient à peine posé les valises. Il dit, passez le soir, c'est le sacrifice au Bouddha, vous venez. Alors ils disaient, mais nous, on n'y connaît rien. Vous n'avez pas besoin de connaître, vous n'avez besoin que de faire. Et ils sont allés et ils ont dit, vous avez très bien fait ce qu'il fallait. Et puis chez nous-mêmes, c'est un rabbin qui un jour, un collègue à l'école pratique, qui m'avait dit ça. Quand je commençais à découvrir, il y a longtemps, que les rites étaient essentiels, alors qu'on avait toujours critiqué ce ritualisme, et je dis, mais en fait, ils ne font que cela. Il dit, et ça vous étonne? Il dit, sachez, jeune ami, que le judaïsme traditionnel, eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est une approche qui est déjà dans Platon, c'est-à-dire c'est une façon qui coupe le savoir sur le mystère de Dieu, l'au-delà, le monde des dieux ou de Dieu, de la pratique terrestre. Et il dit, voilà, les gestes terrestres, c'est ça qui concerne les humains, faites cela. Et dans le judaïsme aussi, le mystère des dieux, laissez ça tranquille, les 16 obligations rituelles, ça c'est le cerveau humain est fait pour ça, faites ça. Et donc on trouve ça encore aujourd'hui. Comment décrire les religions des Romains? Peut-être en utilisant la propre formule de ceux-ci, employant à savoir culte public et privé. Par chance, Festus, célèbre grammairien, en donne la définition au cours du IIe siècle de notre ère. Oui, il faut bien sûr s'entendre parce que sinon on mélange tout. On ne peut pas parler de la religion publique, c'est-à-dire du peuple, de l'État romain, en parlant de la famille. Il y a certes certaines fêtes, certains rites qui concernent l'ensemble du peuple romain, c'est-à-dire l'État romain, qui sont célébrés par les pères de famille. mais c'est l'infime minorité. En général, c'est l'État, c'est-à-dire les magistrats, les consuls, etc., qui célèbrent ces cultes avec l'approbation du Sénat. Ça se fait tout à fait officiellement. C'est comme chez nous, si le président et le premier ministre et tous les ministres célébraient une partie de ces fêtes de l'année. Et puis, à la maison, c'est le père de famille, la fille de famille, le fils de famille qui font cela en toute indépendance. Personne ne les contrôle. C'est pour ça qu'on parle de religion. C'est un système religieux séparé, même s'il est homologue. Ils font des sacrifices, ils font la même chose que l'État, mais suivant leur tradition particulière dans la maison qui est sous une autorité particulière. Et dans la mesure où il n'y a pas de Bible ou de texte sacré qui s'imposerait à tous, eh bien, on fait ce qu'on veut. On ne fait que faire. C'est pour ça que j'ai dit un jour qu'en faire, c'est croire. John Chai, j'évoquais Cicéron. Nous connaissons l'importance des textes pour les historiens. Toutefois, voici plus de 20 ans, l'histoire des religions de l'Antiquité semblait être dans une impasse. Curieusement, ce sont de nouvelles approche archéologique qui permirent à cette discipline de sortir de ce mauvais pas ? Oui, absolument. La religion romaine était notamment une spécialité des professeurs de latin, parce qu'ils ne travaillaient en grande majorité qu'avec les textes littéraires. Or, ces textes littéraires, ça parle souvent uniquement de la religion d'État, des problèmes d'État, ça raconte l'histoire de l'État, et il parle très peu de tout ce qui est à côté. Des rites privés, par exemple, chez Cicéron, on a un petit passage sur un tombeau héroïque qu'il imaginait pour sa fille, et puis il l'a pas fait finalement. Il y a aussi quelques allusions à la magie, parce que il raconte que dans un procès, un de ses adversaires s'est tout d'un coup mis à bégayer, il avait oublié complètement sa plaidoirie. C'était la dame qui était en cause, une certaine Titine, qui était un peu soupçonnée d'être un peu sorcière sur les bords, qui avait dû l'ensorceler, et le pauvre s'est mis à bégayer, et voilà. Mais à part ça, on a presque rien. Et donc, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, l'intérêt s'est déplacé peut-être dans le domaine historique. Moi-même, j'étais, je l'ai dit, comme Paul Venn, agrégé de grammaire, et comme beaucoup d'archéologues d'ailleurs, et j'ai quand même enseigné au départ l'histoire, et je me suis toujours considéré comme un historien qui pratiquait un peu tout. Et à ce moment-là, immédiatement, nous avons tous utilisé les inscriptions. Or, il y a une masse d'inscriptions, des centaines de milliers, qu'il faut utiliser et qu'on n'utilisait pas. Elles parlent de religion pour le côté privé, c'est un peu décevant parce que c'est aussi répétitif que les inscriptions qui sont sur les tombes de nos cimetières. Alors faire une histoire de la religion privée avec nos cimetières, c'est un peu difficile, mais il y a heureusement assez de choses pour pouvoir en parler. Et puis, il y a l'archéologie, on a, avec les progrès de l'archéologie de terrain, la professionnalisation, on a appris à fouiller les sites, et notamment, on a relancé complètement l'étude des rites de la mort grâce à l'archéologie. On est un peu en panne dans les sanctuaires parce que les grands temples, malheureusement, ont souvent été dévastés parce qu'ils étaient beaux, et etc. On a tout cassé, et ce qu'on a ne peut plus nous mener loin. J'ai fouillé un temple dans le Maghreb, près de Tunis. Il est très beau, mais dans les années 62, on avait 400 ouvriers qui ont tout déblayé et ils ont tout enlevé jusqu'au sol. Il n'y a plus les couches d'occupation, alors qu'avant, c'était manifestement, il y avait pas mal de choses, mais c'est comme ça. Donc on est en retard pour les cultes publics. On attend un Pompéi de sanctuaires publics ou privés, peu importe. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. John Child, rentrons dans une famille romaine. La religion au sein de la maisonnée est avant tout un acte collectif intégrant ses membres et les esclaves. Où se déroulent ces cérémonies ? La vie quotidienne est-elle ponctuée par celles-ci ? D'ailleurs, qui honore-t-on probablement ? Les dieux-lards ? Oui, c'est toujours collectif. Hein. La religion romaine, que ce soit celle de l'État ou de la famille ou du groupe privé, est toujours collective, sauf dans un cas. Et cette religion privée a son centre dans les pièces, disons, collectives de la famille. Et on honore en premier lieu les dieux lars, qui sont les divinités du terroir où se passe une activité humaine. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dieux pénates, en jargon romain, c'est les dieux de la maison, de l'intérieur. Alors, ça, souvent, on le fait collectivement, mais c'est les divinités, le choix de divinités de la famille. On peut trouver Jupiter, Apollon, on peut trouver des divinités plus locales, etc. Il y a aussi le génie du père de famille. Et par exemple, près de la chapelle domestique, ou dans la cuisine près de l'autel aussi, où on sacrifiait, on a régulièrement la peinture des deux lars, qui sont représentés comme deux jeunes gens en tunique qui dansent, et au milieu, un monsieur habillé en toge de magistrat, d'ailleurs, qui est le génie du père de famille, qui est le dieu qui est le double divin du père de famille et qui reçoit des sacrifices à côté des lars. C'est les deux principaux sacrifices quotidiens. Et puis, il y a évidemment un calendrier festif pour les autres divinités qu'il peut y avoir, Junon, que sais-je, Minerve. Ça, c'est l'histoire de la famille qui s'exprime. Comment s'expriment justement ces rites? Comment les pratique-t-on? J'ai souvenir de Suétone, relaté d'ailleurs par Paul Venn, qui relate l'histoire donc de pancartes brandies pour annoncer le rite. Oui, à la maison, évidemment, tout le monde est au courant. Mais les cultes privés, il faut tout de suite le souligner, peuvent aussi se célébrer à l'extérieur. Par exemple, dans les grands temples publics, au Capitole par exemple. Vous n'avez pas le droit de perturber une messe pontificale au Capitole. Hein, si c'est les consuls ou l'empereur qui célèbre un sacrifice, ben vous attendrez gentiment que tout soit terminé. Et vous pouvez célébrer, vous aussi, votre sacrifice. Et en général, on fait une procession avec les victimes, comme les magistrats et prêtres. Et on a même des représentations, des petites pancartes qui disaient « Pourquoi on fait cela ?» On a comme ça des descriptions d'un père de famille qui est venu avec un vrai troupeau de petits-fils et petites-filles, tellement là, il était âgé et il avait toute cette famille qui montait au sacrifice, sans doute pour ses 70 ou ses 80 ans, acquitter un vœu, par exemple, familial, fait à Jupiter, Junon et Minerve, etc. Et tout le monde participait et regardait ça, et ça participait à la vie collective. Et ces occasions, c'est bien sûr les fêtes du peuple, la majorité, le mariage, comme les retours de voyage? Oui, il y a en général tous les événements importants, il y a les événements d'entrée dans la famille, comme la naissance ou le moment où l'enfant reçoit un nom et devient un membre de la famille, puis les passages quand il devient un adulte ou la majorité, disons, à ce moment-là, on fait des sacrifices, et d'ailleurs le garçon, par exemple, fait son premier sacrifice. C'est un peu comme la bar mitzvah dans la religion juive, mais un peu plus tard. Il faut qu'il soit majeur. On sait que dans les bonnes familles, on va au Capitole certains jours, et les jeunes qui ont atteint la majorité sacrifient eux-mêmes. La première fois, les femmes, c'est en général à l'occasion du mariage, c'est pour la première fois certains rites. Et ensuite, quand on part en voyage, par exemple, on fait des vœux. En général, le vœu est très important. C'est un contrat conclu soit en public, dans le culte public, soit dans le culte privé avec les dieux. Dit, si je reviens sain et sauf de voyage, tu auras ceci et cela, un sacrifice en général. Et nous avons beaucoup d'inscriptions où les gens viennent sacrifier pour remercier les dieux de tout cela. Ça, c'est les grandes occasions, si vous voulez. Puis il y a le mariage, évidemment, et les funérailles, qui sont des grandes fêtes familiales. Et justement, John Child, vous consacrez plus de 100 pages aux rites funéraires. Pour les illustrer, je vous propose d'écouter quelques minutes d'un reportage réalisé en 2019 sur la fouille de la nécropole romaine de Narbonne, où on retrouve Jérôme Hernandez, archéologue à l'INRAP. Elles sont toutes vraiment représentatives de la diversité des pratiques funéraires à l'époque romaine, avec des tombes très simples, c'est vrai, qui consistent simplement en une fosse avec un vase ossuaire et quelques dépôts, et puis des tombes un peu plus monumentales qui sont, elles, entourées d'un édicule qui se place à l'intérieur d'un enclos et qui sont surmontées de plaques et de stèles épigraphiées et qui se font effectivement le reflet, alors non peut-être pas de la beauté, mais en tout cas d'une classe sociale un petit peu plus aisée ou bien d'une personne un peu plus mis en avant au sein de l'ensemble funéraire. Alors moi, ce que j'ai vu, ce sont des sortes de petits bâtiments quadrangulaires, on va dire maçonnés, avec deux, trois tuiles, et on imagine que l'individu est dedans. C'est ça. En fait, on a deux types de petits monuments. Alors, ils présentent toujours la même forme, un petit édicule quadrangulaire qui est réalisé à partir de pierres maçonnées simplement à partir d'un mortier de chaux. Et à l'intérieur, il y a effectivement un petit coffre, coffre de tuiles, des tégulas très simples, qui vont accueillir le vase ossuaire, les dépôts. Et c'est par-dessus ce vase que sera mis en place le conduit à libation qui émergera du sol de fonctionnement de l'enclos, là où les Romains viendront procéder au rite de l'ancêtre. Et puis après, on a une deuxième forme d'édification et qui est celle d'une monumentalisation autour d'une tombe qu'on pense particulière, tombe qui au départ est beaucoup plus simple, et puis on voit que dans le temps, au fur et à mesure que l'enclos se structure, évolue, il y a une tombe particulière qui va être choisie, qui va être monumentalisée, elle aussi au moyen d'un petit édicule quadrangulaire, et qui va là aussi à une période la mettre plus en avant que les autres, et on pense que c'est une pratique familiale ou sociale qui est destinée à mettre un ancêtre en avant. Vous auriez des traces de cheminement, c'est ça qui vous intéresse. Vous verriez un peu comment les rites se passent autour de ces tombes. Exactement. Alors on a des cheminements pour deux choses. Déjà la nécropole, le quartier funéraire en lui-même se structure d'une manière relativement complexe, au carrefour de deux voies majeures de Narbonne, puisqu'elles desservent les quartiers portuaires. Et on sait que la richesse de Narbonne repose essentiellement sur ce commerce maritime. Et de ces voies découlent des axes de cheminement à l'intérieur de l'ensemble funéraire, contre lesquels vont venir se poser les tombes ou les enclos. Et ensuite, à l'intérieur des enclos, on a aussi des cheminements. Et effectivement, ce qui est particulièrement intéressant, puisque ça n'a jamais été observé dans un ensemble funéraire de cette époque en Gaule, c'est qu'on a les sols de circulation qui sont conservés. Et sur ces sols, on va retrouver tous les reliefs liés au culte des ancêtres, avec les restes de repas funéraires qui peuvent prendre des formes différentes, aussi bien des céramiques brisées avec des restes alimentaires à l'intérieur, des amas de coquillages, on est au bord de la mer donc on mange beaucoup de coquillages, et puis on a aussi particulièrement émouvant et intéressant tous les reliefs liés à la libation, avec ces coupelles qui sont déposées au sommet du conduit à libation ou qui sont disposées à côté et parfois brisées de manière un peu symbolique sur le sol au contact de la tombe. C'est-à-dire qu'on vient pique-niquer, on fait un repas d'huîtres et on honore par la même occasion les morts, probablement à certains jours. C'est ça, il faut penser que la société romaine est une société ritualisée et que dans ces rites, le culte des ancêtres est fondamental et on vient régulièrement, voire très souvent, honorer la mémoire de la famille, des ancêtres, et on va effectivement procéder à des repas funéraires et on va partager le vin qui est un liant essentiel de la société romaine. On va partager ce vin avec le défunt et on va donc en verser par le conduit à libation. Il va traverser la tombe et se répandre dans le sous-sol pour les dieux souterrains. John Child, votre avis, un commentaire sur cette nécropole et sa fouille? Oui, cette nécropole de Narbonne va être dans le futur une des sensations parce que on a rarement des traces d'abord d'une nécropole si bien conservée sous le sol, mais aussi qui est conservé les traces du culte funéraire des vivants en surface. C'est absolument extraordinaire. Ça s'inscrit dans une trentaine d'années de recherches dans lesquelles l'archéologie a vraiment révélé le monde des rites funéraires qu'on connaissait mal auparavant, parce que là encore, on avait peu de traces, et ou alors des inscriptions banales, ici, J. Tartampion, et on peut rien en faire. Là, on a toutes les traces des relations avec les morts. D'abord, du repas funéraire qui est célébré au moment de la constitution du tombeau, qui peut avoir des formes très splendides comme très pauvres, mais qui est toujours un banquet. Le premier banquet d'après un passage de Cicéron, concernerait trois partenaires, le défunt, bien sûr, qui est en gloire, la famille endeuillée, qui n'est pas en gloire, elle se présente comme des morts symboliques pendant le temps du deuil, et puis une déesse. À l'époque de Cicéron, on parle de Cérès, la divinité où le sol est ouvert. Et à ce moment-là, on partage les restes d'un repas, hein, de viande et de vin, mais on ne mange plus pas ensemble, les trois séparés. Et ensuite, la déposition se fait. Là encore, on fait de nouveau des sacrifices que, justement, dans les fouilles, on peut déceler maintenant, au moment de la déposition d'une inhumation, par exemple. Et ensuite, la tombe est fermée. Et à partir de ce moment-là, le banquet funéraire pour le défunt est très différent. On ne peut plus manger avec lui. On mange à côté de lui autre chose. Et lui, ce qu'il reçoit est brûlé, comme on dit, en holocauste, c'est-à-dire totalement brûlé. Les vivants mangent à part et une autre partie de l'aliment. C'est typique, ça, du culte. Et à Narbonne, on trouve très bien l'attestation de tous ces rites. Dans un de vos ouvrages, Rites et religions à Rome, vous intituliez un chapitre « Quand le geste compte ». Ces gestes, c'est ce que nous retrouvons à Narbonne, mais aussi à Pompéi. À Narbonne, à Pompéi, à Nîmes, à Arles, à Lyon, parce que depuis 30 ans, il y a des collègues qui ont fouillé des nécropoles dans le Midi, ou alors plus au nord, chez les Trévires ou à Mayence, et qui ont mis en évidence tous ces gestes funéraires qui renvoient toujours à un sacrifice. Par exemple, dans une des nécropoles d'un oppidum Trévire, ils mettaient dans la tombe un quartier de porc, ils sacrifiaient un porc dans ces régions d'élevage, et au-dessus, ils mettaient un couteau sacrificiel. On peut pas être plus clair, mais évidemment, c'était enfermé dans la tombe. Et on voit très bien les gestes qui sont symbolisés en permanence. Et tout est une question de gestes. Par exemple, les gestes de la mort consistent à inverser tout. Par exemple, une lampe, on la mettra à l'envers. On la cassera, toute la vaisselle est cassée, parce que celle des vivants n'est pas cassée. Et la vaisselle des morts est toujours cassée, pas parce qu'on veut plus y toucher, mais parce que c'est leur vaisselle, etc. Il y a des gestes très riches, qu'on serait très étonné de voir des funérailles romaines. Ils devaient faire des gestes assez surprenants pour nous. Évoquons la place de la magie. L'archéologie a récemment révélé quelques beaux cas de sorcellerie, notamment dans une cave romaine de Chartres, nous en avions parlé, mais aussi à Mayence et bien entendu à Rome, dans le nymphée des Parioli. On a trouvé dans un nymphée découvert d'une déesse romaine, découverte au Parioli, dans une grande fontaine, des tablettes dites de défiction. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce cas-là, par exemple à Rome, on a tout. C'est-à-dire, c'est en fait des poupées faites en des matières diverses et toujours en analyse, qui sont percées d'aiguilles, de clous. C'est ça qu'on appelle une défiction en latin, et qui sont ensuite enveloppées dans une feuille de plomb sur laquelle on a noté des malédictions magiques. Et le tout est jeté ensuite dans l'eau parce que ça doit communiquer avec l'en bas. Et l'eau, comme les tombes, sont un moyen de communiquer avec les dieux mânes, cette collectivité de tous les défunts qui est appelée à nuire aux vivants contre monsieur ou madame un tel ou une telle. On peut mettre ça aussi comme à Mayence, l'enterrer dans un temple où on demande en quelque sorte à la divinité de faire cela. Les pratiques magiques sont somme toute assez proches des rites quotidiens. En revanche, une de vos découvertes est la mise en évidence de la ressemblance de la religion privée avec les rites quotidiens de la religion publique d'État. Est-ce que vous pourriez vous en expliquer ? La religion publique, comme la religion privée, c'est des systèmes religieux différents pour les autorités, etc. Mais elles sont homologues, au moins dans une partie importante du paysage. C'est des rites sacrificiels qui se font de la même manière quand on est au Capitole et chef de l'État ou comme chef de famille chez soi. C'est les mêmes rites. Et ça tourne toujours autour d'un repas. Les humains ne sont pas très inventifs, hein. Dans la religion juive actuelle, le Shabbat, qu'est-ce que c'est ? C'est un repas. Dans la religion chrétienne, catholique en tout cas, La messe, c'est très ritualisé, mais c'est un repas. Donc, c'est le même type de religion, si vous voulez. John Child, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Les Romains et leur religion, la piété au quotidien » qui vient tout juste de paraître aux éditions du CERF. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Valérie Lavalard et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.